Salut à toutes et tous, la tribu. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 22e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Je vous ai mitonné une émission aux petits oignons. On commencera avec Def Leppard et Rock of Ages. C'est sur l'album Pyromania, sorti en 1983. On peut y entendre Photograph, Die Hard, The Hunter, Billy's Got a Gun notamment. Je diffuserai England Belongs to Me de Coxparrer. C'est sur l'album Shock Troop, sorti en 1982. On retrouve Riot Squad, Talk Them All, Secret Army et plein d'autres. Je passerai ensuite Quelle Sacrée Revanche d'OTH. C'est sur l'album Sur des Charbons Ardents, sorti en 1986. On peut entendre Parce que ça nous plaît, Le Soleil du Midi, Totem, Le Rap des Rapetous. J'adore cet album. Et si on écoutait un bon son vinyle, je passerai le grand classique des Pretenders, Don't Get Me Wrong. C'est sur l'album Get Close, sorti en 1986. C'est le quatrième album des Pretenders. On peut entendre My Baby, I Remember You, entre autres. Et on finira ce bloc en live avec Parabellum et Vol de Nuit. C'est sur le live Post-Mortem, parti en 1997. On peut y entendre Papa, Saturnin, Le Cœur à Gauche, La Main à Droite, Hilo Amsterdam et plein d'autres. Le meilleur live de Parabellum, je pense. I'm gonna see.

incartade. Petite incartade, mais on avait envie de la faire. Ah, celle-là, je crois qu'on va pas vous la jouer parce que vous l'aimerez pas. Vous écoutez toujours la 22e Vampire Freak sur votre radio favorite. J'ai envie de bon son. On s'écoutera Dominas et Subvention des Blue Oyster Cult. C'est sur l'album Secret Treaties, sorti en 1974. On peut y entendre Carrier of Evil, Cagey Cretins, Flaming Telepath. On poursuivra cette belle soirée avec les Kingpins et le morceau Bordel en français dans le texte. C'est sur l'album Plants of Action, sorti en 2000. On retrouve Sig Valentino, The Main, Otherworld's Cage. Une super reprise de l'aventurier d'Indochine, un superbe album. Je passerai ensuite Hard Dancing de J'aurais voulu, c'est sur l'album Sur nos routes, sorti en 2014. On peut y entendre Tattoo, Future, No Future, qui sera vraiment mon âme, ma musique, entre autres, un excellent album. La semaine dernière, j'ai le groupe Supersonic de Strasbourg qui m'a envoyé son dernier album Supersonic, merci à eux. Je diffuserai le titre Eya, du bon son électro-pop-punk. Allez faire un tour sur la page Facebook de Supersonic avec un K Supersonic. Ils ont aussi un SoundCloud, allez y faire un tour, c'est du très très bon son. Je filerai les liens sur la page Facebook de l'émission et on finira ce bloc en live avec AC/DC et le grand classique Hell's Bells. C'est sur le double album live de 1992. Submission. Dominance. Submission. submission. Dominance. Submission. Submission. Dominance. Submission. Dominance. Submission. Submission. Dominance. Submission. Submission. Submission. rassembler. Gestes positifs, énergie partagée. Rituel tribal, magie musicale. We'll be right back. Vous êtes toujours dans la 22e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. J'ai envie de gros sons live. On s'écoutera le grand classique Smoke on the Water de Deep Purple. C'est sur le double CD In Concert 1970-1972. Je diffuserai ensuite Le Gang des Seigneurs du groupe Atlanta Rock. C'est aussi le titre de l'album sorti en 1984. On peut entendre Guerrier de la Nuit, Lumière sur la Ville, Trans-Europe Express notamment. Je suis animateur radio, certes, mais je suis aussi auteur-interprète du groupe Morsen 43. Et ce qui s'est passé le 13 novembre m'a fait ressortir mon blog d'écriture. Je suis ravi de vous partager ce morceau. Il s'appelle Attentat Rock, avec un S, et il est dédié à toutes les victimes et à leurs proches. On reviendra sur une note plus légère avec Jacob Miller et le titre Money, c'est sur l'album Tenement Yard, sorti en 1979. On peut entendre Every Day With You Girl, Truth Has Come Again et Roman Soldiers of Babylon, entre autres. Et on finira ce bloc en vinyle et en live avec Power Slave d'Iron Maiden. C'est sur le Live After Death, sorti en 1985, le premier album live de Maiden. Right, now, page four I'm on to now. It's very nice getting paid just to sit back and listen to one of your favourite bands. I hope you are enjoying it both here and at home. Incidentally, you're listening to In Concert, introduced by me, Mike Harding. I got to plug myself. I mean, you will forgive that. Thank you very much. Okay. As you were. I seem to have only one number left on the running order. Surely can't be finished already. Anyway, we'll charge into it. We'll be right back. mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours. Tuer des innocents au nom d'un dieu, vouloir imposer sa religion par la force, ceci n'est pas la solution, ce n'est que de l'assassinat et du massacre. Non, Daesh, tu ne tueras pas le rock, vivons nos pierres, font l'air de rien. Rions, dansons, chantons, jouons, nous sommes tous plus solides que le rock. Je déteste toute forme d'extrémisme, mais ne faisons pas d'amalgame prétentieux. Les kamikazes ne sont pas des gens religieux, je pense même pas qu'ils représentent l'islam vraiment. Non, Daesh, tu ne tueras pas le rock, vivons nos pierres, font l'air de rien. Rions, dansons, chantons, jouons, nous sommes tous plus solides que le rock. Daesh, tu ne me fais pas peur, si aujourd'hui je dis mon silence, c'est pour dire aux Français, vivez, inondez les terrasses et salles de concert avec vos sourires. La France ne doit pas céder à la terreur, ne nous montrons pas les uns contre les autres. Soyons plus forts que ce déchaînement de violence, restons forts et unis face à l'adversité. Non, Daesh, tu ne tueras pas le rock, vivons nos gars pour l'air de rien. Rions, dansons, chantons, jouons, nous sommes tous plus solides que le rock. Ne nous lamentons pas sur notre sort, et avançons, fiers, main dans la main, au nom des victimes de ces massacres. Ni gouvernant, ni décideur, je suis seulement un homme de cœur. Non, Daesh, tu ne tueras pas le rock, vivons nos gars pour l'air de rien. Rions, dansons, chantons, jouons, nous sommes tous plus solides que le rock. Daesh, tes actions sont inhumaines, mais c'est pas en te bombardant que l'on t'aura. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont dans la peine, et tout ça, c'est à cause de toi. J'en appelle aux musiciens, rencontrons-nous et jouons deux fois plus fort. J'en appelle au public, venez deux fois plus nombreux dans les soirées. Non, Daesh, tu ne tueras pas le rock, ils vont nos biens, pour l'air de rien. Rions, dansons, chantons, jouons, nous sommes tous plus solides que le rock. En mémoire de ceux qui se sont là, tous venus pour passer un bon moment. Leur vie a été prise lâchement, ensemble, profitons à fond du moment présent. Car ce n'est pas des dictateurs qui font plier les chanteurs, au contraire, ça rend pour ça notre présence que d'avoir le public qui se déplace en masse. Non, Daesh, tu ne tueras pas le rock. Vivons à fond le moment présent, rions, dansons, chantons. Jouons, nous sommes tous plus solides que le rock. Plus solides que le rock. Plus solides que le rock. Vive la République, vive la République et vive la France. Skip out, skip a bajini bar, still deep on. Oh yeah. Let money fool you, girl, it will lead you astray. Some may say, don't let money fool you, girl, it will lead you astray. Remember what the Father said, don't let problems get you down. All you got to do is pray, and good fortune will come your way. No, yes, don't let money fool you, girl, it will lead you astray. Ooh, don't let money fool you, girl, it will lead you astray. It was written in the book of life, he who do good shall surely strive. All you got to do is pray, and good fortune will come your way. Oh, don't let money fool you, girl, it will lead you astray. Some say, don't let money fool you, girl, it will make your eye drop out. Skitchy-chibow, chibow, yeah. It was written in the book of life, who do good shall surely strive. All you got to do is pray, and good fortune will come your way. So now don't let money fool you, girl, it will lead you astray. Some say, don't let money fool you, girl, it will lead you strain. Remember what the Father said, do good and you will surely strive. All you got to do is pray, and Jah shall guide you in many ways. Don't let money fool you, girl, your eye will soon drop out, yes. Don't let money fool you, girl, it's soon done in front of your eye. Ooh, yes, Hey! Ah, il est excellent ce live de Maiden. Vous êtes toujours dans la 22e Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. On commencera ce bloc avec Hubert Félix TFN et le titre Narcisse 81. C'est sur le live Homo Plebis Ultimae Tour, sorti en 2011. Il est en tournée dans toute la France en ce moment, TFN. Moi, je vous dis, ça sent l'album live. Il y a 15 jours, j'ai diffusé Bankosi du Congo. J'ai eu de très bons retours de votre part sur la page Vampire Freaks, l'émission radio. Merci pour nos amis congolais qui nous écoutent via archive. Je pense notamment à Patrick et Mehdi. Ce soir, je diffuserai Khadija de Bankosi et je vais avoir d'autres morceaux, promis. Et on poursuivra cette belle soirée avec Ingratitude d'Alpha Blondie. C'est son dernier morceau. C'est sur l'album Positive Energy, sorti cette année. Il tient encore le pavé, Alpha. Hein. Son album est excellent. Il est en tournée aussi. J'espère qu'il fera un album live. Excellent aussi, Blondie en live. Je diffuserai ensuite le nouveau titre de l'Ordre d'Héloïse, Photosynthèse. Je sais que vous adorez, il est excellent l'album Après le Chaos, sorti cette année. Allez faire un tour sur la page de l'Ordre d'Héloïse avec un H, Héloïse. Alain sera ravi de discuter avec vous. Bise à toi, Alain, ainsi qu'à la fine équipe de l'Ordre. Et on finira ce bloc avec les Ramones et le Trichina, Is a Punk Rocker en live. Et c'est sur l'album It's Alive à Paris en 1980. Tu glisses ta carte perforée dans une vitre, tu t'enfuis. Et tu fais semblant de rocker pour faire progresser les envies. Narcisse, ma vie stabiliste. Y'a des traces de ce qu'on vit, fais ta fissure qui se tape ton fils. Tu t'en retournes à tes banlieues dans ce couloir, tu te grimes. Te maquillant le bout des yeux d'un nouveau regard anonyme. Le futur te sniff à rebours, te plantant sur un loup très gros. Te reste-t-il assez d'amour pour prendre ton dernier mélo? Narcisse, balise ta piste. Y'a des traces d'homme dessus ton flip et ta petite soeur qui stave ton fils. Au fond d'un train où tu penses trouver l'oubli. Voyageur des petits matins, tu rentres de tes insomnies. Tu règles les mentions génétées, l'envoi de ton carnet d'absence. Et tu t'accroches au bout du fil qui te ramène à ton silence. Narcisse, malice la piste. Y'a des traces d'œufs dessus ton fil, mais ta pizza qui se tape ton fil. Narcisse, balise ta piste. Y'a des traces d'œufs dessus ton fil, mais ta pizza qui se tape ton fil. Y'a des traces d'œufs dessus ton fil, mais ta pizza qui se tape ton fil. Thank you. Bata que la cama de espada. ba nyengene ke bamba ebo nyengene na kanki kasugune ke bamba ebo sune na kanki buna dama dete se kadia beye morote dunu nyankono kugute mogo mina You make a care. Look here, call my lawyer. Oh, I am doing Ni omi me, I call you my lawyer. I for I am doing Masakele nyafanga te duni nyebon Masakele nyafanga te duni nyebon Kanyangene ke bamba ebo nyangene na kanki Kasugune ke bamba ebo sune na kanki Bokanyangene ke bamba ebo nyangene na kanki Kasugune ke bamba ebo Thank you. rayons arc-en-ciel se sont noircis sous le soleil. Que dire alors de mes idées puisque se noient dans la marée comme un pétrolier éventré aurait coulé dans mes pensées. Plus une lumière pour nuancer comme on se perd dans le noir épais. Pas un espoir n'est allumé, même le grand phare est naufragé. Vous êtes toujours dans la 22e Vampire Freaks sur votre radio favorite et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On continuera cette belle soirée avec Janis Joplin et Try Just a Little Bit Harder en live. C'est sur l'album In Concert paru en 1972. Je vous emmènerai ensuite au Québec avec Fidel Fiasco et le titre Vas-tu revenir. C'est sur l'excellent album Banal et Pathétique, sorti cette année, on retrouve le gars de carrière, Le Monde, Ménard, Albert Noël et plein d'autres. Allez faire un tour sur la page Facebook de Fidel Fiasco, ils ont un lecteur Bandcamp, un petit like au passage. Je passerai ensuite Désillusion du groupe Désillusion, en un seul mot. C'est sur Esprit Maudit. Je dois recevoir d'autres titres des Normandes Désillusion. Ils ont aussi une page Facebook. Tiens, un peu de douceur avec Adèle et le classique Rolling in the Deep. C'est sur l'album 21 sorti en 2011. On peut entendre Turning Tables, Rumors Has It, Take It All notamment. On a commencé ce bloc en live et on le finira en live avec Sepultura et Clenched Fist. Hey! Turned a train full of freaks into a party, man. Didn't it, boy? Yeah. All right, now what should I do? All right, I'll do a song, man, and I'll tell you, you could apply it to, well, just about anything you wanted to, but it could almost be even called the truth. I wouldn't go that far. I wasn't heavy up on anybody like that, man. But I'll tell you one thing, the song's got something to say, man, if you can dig it. It's talking about everybody's life, man, and what passes by you and what you miss and what you grab, man. It's a song called Get It While You Can, because it ain't going to be there when you wake up, man. On Richard. Au pied de mon grand sapin blanc, j'avais déjà oublié ce que c'était d'être enfant. J'attendais mon père Noël qui était toujours absent. Un autre court appel en guise de présent. Chez nous, ce Noël à chaque jour. Quand viendras-tu faire juste un petit tour pour me raconter ces contes de fées qui se sont envolés par la cheminée? Pour t'occuper de la vie qui t'occupe, partir en mentant à chaque fois si je produis. Tu reviendras pas pour Noël. Tu reviendras pas pour Noël. Tu reviendras pas pour Noël. Tu reviendras pas. Mais où étais-tu passé? À travers les nuages, vers une ville prospère. Au fond d'un resto chic avec des étrangers. Ou encore dans un hôtel de l'autre côté de la terre. Mais chez vous, c'est Noël à chaque jour. Qu'en viendras-tu faire juste un petit tour? Pour me raconter ces contes de fées qui se sont envolés au fil des années. Encore une dernière fois. oiseaux. Puis venir avec moi. Allez donc faire n'importe quoi sans c'est la balle d'un parc. Allez à pêche au milieu d'un grand lac. Votre souvenir pour Noël. Votre souvenir pour Noël. Votre souvenir pour Noël. Votre souvenir. Thank you. Thank you.